ma vie érotique en vente dans une boutique près d'un slibard en dentelle pour qu'elle paraisse plus belle. Je n'en demande pas très cher, c'est de l'occasion de toute manière. Je crois que mes histoires de cul finiront là aux invendus. J'ai enfermé ma vie sexuelle dans des flacons et des bouteilles. À la mer, chacune laissée d'une pierre. Ne les liront que les poissons qui s'en branlent de toute manière. Je crois que les histoires de fion, ça n'intéresse que les cons. J'ai remplacé ma libido par des problèmes hormonaux. Maintenant mes neurotransmetteurs ne me feront plus jamais peur. Si par hasard une érection venait troubler ma digestion, je crois que cette histoire de fesses ajouterais à ma détresse. Et mon désir s'est envolé comme fait le héron cendré d'un vol lent et majestueux. Il a disparu de mon pieu. Adieu les filles, adieu ma belle, adieu bas et porte-jartel. Finalement les histoires de baise, il n'y a que cela qui me plaise.